Chapitre 13e. Dès le lendemain, le marquis avait pris les dispositions nécessaires pour l'enterrement d'Emma. Il avait voulu que la cérémonie fût décente, mais sans rien de plus. Surtout, il avait tenu à écarter tout ce qui pouvait ressembler au tapage ou à l'apparat. Par là, il avait exaspéré quelques amours-propres susceptibles. Deux chanteurs qui, avec cette générosité qu'on est toujours sûr de trouver chez les artistes, ainsi que disent les réclames, s'étaient offerts pour se faire entendre à la messe, et un compositeur qui tenait à faire exécuter un Agnus Dei écrit spécialement par lui pour les funérailles d'Emma Lajolet, cette brave camarade, ce bon cœur, etc. Ce refus du marquis avait produit un certain scandale dans le monde des théâtres, et le journal du petit Andrieux ne s'était pas gêné pour dire son fait à ce monsieur qui, sans droit, venait s'emparer d'un cadavre pour le soustraire à des amis dévoués qui voulaient honorer pieusement la mémoire d'une femme de talent. Le compositeur, qui était tenace et qui depuis longtemps pratiquait avec une supériorité remarquable l'art de forcer les portes, était malgré tout arrivé jusqu'au marquis et, respectueusement, il lui avait représenté que cet Agnus Dei avait un caractère purement religieux. Attaqué en ut majeure, la phrase Agnus Dei passait en ut mineure, et l'effet général était séraphique. La promesse de cet effet séraphique n'avait point touché le marquis. Alors le compositeur outragé dans sa dignité avait été jusqu'à demander en vertu de quel droit on l'empêchait de rendre les derniers devoirs à cette pauvre Emma. Les gens sont rares qui souffrent qu'on leur demande en vertu de quel droit ils agissent. Le marquis n'était point de ce caractère. Son premier mouvement avait été de lever les deux bras pour envoyer le compositeur par la fenêtre. Heureusement, il s'était retenu, et avec sa politesse dédaigneuse des grandes circonstances. « Monsieur, vous ignorez sans doute que Mademoiselle Emma Lajolet m'a nommé tuteur de sa fille par acte de dernière volonté. C'est en qualité de tuteur que j'agis. Mais, monsieur le marquis, mes raisons, n'est-ce pas? Vous voudriez que maintenant je vous donnasse mes raisons? Pour cela, monsieur, je m'en dispense. Je vous ai fait connaître mes droits, c'est assez. » C'était sous le coup de la colère qu'il avait fait cette réponse, mais en y réfléchissant, il se fâcha contre lui-même. Ce qui eût été loyal, c'eût été de mettre franchement en avant les droits qu'il avait sur Denise. Mais se retirer derrière ceux qu'Emma lui avait donnés était presque indélicat. L'article du petit Andrieux, les plaintes du compositeur, les propos des camarades d'Emma, avaient provoqué une certaine émotion dans le monde qui touche au théâtre. Avait-elle une chance, cette gueuse de Lajolet, de trouver un père pour sa fille juste au moment de mourir? Cette pauvre Emma avait-elle du guignon de mourir juste au moment où elle se réconciliait avec le père de sa fille? Il aurait payé ses dettes. On s'occupait surtout beaucoup du père de la fille d'Emma Lajolet. Quel était ce marquis de Rudemont? Riche? Prodigieusement riche. Il y avait des gens à la mémoire longue qui se rappelaient avoir rencontré autrefois, il y avait bien longtemps, ce marquis de Rudemont, qu'on appelait alors le bel Arthur. Ça avait été un fier triomphe pour Emma Lajolet de le fixer. Une demi-heure avant le moment de l'enterrement, il commença à se faire un certain mouvement dans la rue Le Pelletier, et les boutiquiers qui mirent le nez à leur devanture virent s'amasser sur les deux trottoirs des gens qui avaient des têtes à eux. Au milieu des groupes, on voyait circuler un petit jeune homme qui rapidement, tout en marchant, écrivait avec un crayon sur un carnet. C'était Andrieux qui prenait les noms des arrivants. « Je voudrais bien n'oublier personne, » disait-il. À vrai dire, on l'aidait singulièrement à ne pas commettre d'oubli. Et à ceux à qui il n'allait pas venaient à lui. Et ceux à qui il n'allait pas venaient à lui pour lui serrer la main. Il y avait parfois des moments d'hésitation. « Vous ne me reconnaissez pas ? Non ? Alors on se nommait. « Ah, très bien, ce cher ami. » Il avait pour chacun une phrase toute faite qu'il répétait sans se lasser. « Je suis bien content. Cette pauvre Emma aura une bonne presse. » Pendant ce temps, Denise et le marquis se tenaient dans le salon et recevaient ceux qui voulaient monter. Balbine, auprès d'eux, nommait les personnes à mesure qu'elles arrivaient. Tout d'abord, il avait voulu éloigner Denise pour ce triste moment. Mais l'enfant avait manifesté si fermement sa volonté de ne pas quitter sa mère et de l'accompagner jusqu'au cimetière qu'il n'avait pas persisté dans son idée. Après tout, et si cruelle que fût l'épreuve, il valait mieux qu'elle emportât de cette mort un grand et profond souvenir. Plus tard, elle verrait toujours sa mère à travers le voile noir de cette lugubre cérémonie et ne penserait à elle qu'en l'associant à sa douleur. Lorsqu'on descendit l'escalier, il la tint dans son bras, car elle était aveuglée par les larmes et ne voyait pas les marches. Assurément, elle était insensible à ce qui se passait autour d'elle. En arrivant sur le trottoir, il eut un moment d'arrêt et par suite d'attente. Le marquis sentit alors tous les regards de l'assistance ramassés sur lui, et comme, par sa grande taille, il dominait ceux qui l'entouraient, Il ne pouvait se soustraire à cette curiosité gênante. Machinalement, et pour ne pas boire, il porta les yeux droit devant lui, de l'autre côté de la rue. Sur un palis en planches servant de clôture à une maison en réparation, s'étalaient de grandes affiches jaunes qui venaient d'être collées et dont la fraîcheur luisante provoquait le regard. Quelques mots lui sautèrent aux yeux. Vente de Mademoiselle Emma Lajolet, mobilier moderne, bronze d'art, diamants, exposition. C'était le principal créancier à la requête duquel se poursuivait la vente, qui, calculant qu'il y aurait foule à l'enterrement de la comédienne, avait pensé que c'était là une bonne occasion pour faire une publicité productive. Ces affiches provoqueraient l'attention. On les lirait, peut-être en parlerait-on dans les journaux, et quand ce serait pour blâmer cette façon d'agir, le résultat cherché serait obtenu. Il était de ceux qui croient que les journaux ne peuvent faire que du bien, même quand ils écrasent un homme attendu qu'on a plus à gagner en devenant un coquin connu qu'en restant un coquin inconnu. Le tout est de ne pas payer leur publicité trop cher. En ces circonstances, la chance lui venait en aide. Sans la mort de la comédienne, sa vente se serait confondue avec d'autres ventes du même genre, tandis que cette mort lui donnait un attrait particulier, tout le monde en ce moment s'occupant d'Emma Lajolet. Dans sa gratitude envers la Providence, il avait envoyé sa femme à l'enterrement, la chargeant de remercier le bon Dieu pour lui. Si le marquis avait appris la mort d'Emma par une lettre ou par un article de journal, il fut assurément venu à son enterrement. Mais en suivant seul son convoi, il n'eut point ressenti les mêmes impressions que celles qui le tourmentaient en ayant Denise près de lui. Seul, il eut pensé à cette pauvre femme qu'il avait aimée, et par le souvenir, il se fut reporté au temps heureux de leur jeunesse. Mais il n'était pas seul. Près de lui, une enfant pleurait, et c'était à elle qu'il pensait. Déjà, la paternité s'imposait à son cœur comme à son esprit avec ses exigences exclusives, et dans cette cérémonie, ce qui surtout le préoccupait, c'était de ménager la douleur de cet enfant et de lui épargner des chagrins inutiles. À l'église, il fut péniblement affecté dans ce sentiment de tendresse et de sollicitude. Tandis que Denise, agenouillée sur son prie-Dieu, s'absorbait dans son chagrin, il était resté assis sur sa chaise, et bien qu'il n'eût pas l'oreille aux aguets, quelques paroles des personnes placées immédiatement derrière lui l'avaient frappé, et s'étaient imposées à son attention. Cette pauvre Lajolet, c'est une perte pour le théâtre. C'en est une grande pour nous. D'abord, nous l'aimions beaucoup, et puis nous lui avons fait 3 petits actes très soignés, spécialement en vue de ses qualités et de ses défauts. Ils auraient obtenu un certain succès, au moins nous le pensons. Vous les donnerez à une autre. Mais non, une autre ne serait pas Emma Lajolet. Il faut qu'une pièce soit jouée par ceux pour qui elle a été écrite. Sans cela, on n'arrive qu'à des à peu près. Je ne dis pas que ce soit une pièce absolument perdue, mais en tout cas, c'est notre saison certainement perdue. Vous deviez cependant vous attendre à cette mort. Elle était malade depuis longtemps. Sans doute, mais nous pensions qu'elle irait bien aussi longtemps que notre pièce et qu'elle finira avec elle. Nous aurions de cette maladie tiré des effets très curieux qui auraient été de plus en plus saisissants à mesure que son état se serait aggravé. Il y avait là un regain de succès à partir de la 100e. C'est ce misérable Otto qui nous l'a tué. Il est là ? Oui, là-bas, debout. Il se fait une tête pour les femmes qui l'entourent. Le marquis se retourna si brusquement que les causeurs se turent ou tout au moins parlèrent moins haut. Il avait organisé les choses pour que la cérémonie, depuis la maison mortuaire jusqu'au cimetière, se fit aussi rapidement que possible. Mais une partie de cette cérémonie devait forcément échapper à sa direction, celle des discours. Il y en eut de toutes sortes, au nom de telle association, au nom de telle autre, au nom de celui-ci, au nom de celui-là. Puis, quand tout semblait fini, un monsieur s'avança vivement et d'une voix précipitée. « Je viens sur cette tombe au nom des amis des Malajolais qui m'en ont chargé, et aussi au nom de ceux qui ne m'en ont point donné mission, mais qui seront heureux que je les représente. Je viens, et cela dura plus d'un quart d'heure. » À mesure qu'un feuillet était lu, le petit Andrieux le recevait pieusement. Il s'était assuré la reproduction exclusive de cette oraison funèbre que son journal n'eût pas publiée s'il avait pu mettre en tête. Toujours bien informé, nous sommes les seuls qui puissions donner le discours de M. X prononcé sur la tombe d'Emma Lajolet. Enfin, la foule s'était peu à peu écoulée et le marquis était resté seul avec Denise. Alors, la prenant doucement par la main, il l'avait emmenée. Jusqu'à la porte du cimetière, elle avait marché sans rien dire. Mais au moment de monter en voiture, elle avait relevé les yeux sur le marquis. « Je voudrais bien aller chez maman. Mais mon enfant, je vous en prie. » Il avait donné l'ordre de les conduire rue Le Pelletier. Mais en arrivant, des voitures de déménagement les avaient empêchées d'arriver jusque devant la porte de la maison. Ils étaient montés. Les portes étaient grandes ouvertes. Des déménageurs, dans toutes les pièces, enlevaient les meubles pour les transporter à l'hôtel des ventes. La chambre d'Emma était déjà à moitié déménagée. « Oh mon Dieu !» s'écria Denise. Il se jeta éperdu dans les bras du marquis. « Maintenant, mon enfant, il faut venir chez moi, ou vous serez chez vous. »